Les petites histoires de Telming. Coucou les enfants, c'est Mathieu. C'est le grand jour. On va enfin construire des histoires ensemble. Laissez-moi vous expliquer comment tout ça va se passer. Aujourd'hui, vous allez choisir les ingrédients. J'aurai alors une semaine pour imaginer le début. Je vous raconterai ce que j'ai inventé le mardi suivant et vous devrez choisir la suite de l'histoire. J'aurai à nouveau une semaine pour écrire cette suite que je vous raconterai le mardi d'après. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin du mois. Et le mois d'après, Karine et Arnaud raconteront notre histoire mise en musique par Léa. Commençons donc par choisir les ingrédients. Pour écrire une bonne histoire, il faut un personnage principal, héroïne ou héros, un univers où se déroule l'histoire, un événement majeur qui lance l'aventure, des obstacles à surmonter et un objet extraordinaire. Rendez-vous sur telming.com/lph, telming.com/lph, pour choisir les ingrédients que vous avez envie de mettre dans l'histoire. Pour chaque ingrédient, 5 propositions. Par exemple, le personnage principal de notre première histoire peut être un magicien maladroit, un monstre gentil, un animal peureux, un jeune agent secret ou un super-héros à la retraite. Et ainsi de suite pour les 4 autres ingrédients. Alors, qu'allez-vous choisir ? Rendez-vous sur telming.com/lph, telming.com/lph. Faites-le vite, car jeudi soir, les votes seront fermés. J'ai trop hâte de lire vos réponses et de commencer à écrire. J'espère que vous serez nombreux à participer. Je compte sur vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.